Laisse-moi finir. Alors, comme ça, on se promène. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 9 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Françoises. Les dictons nous disent, semez à la Sainte Françoise, ton grain aura du poids. S'il gèle aux 40 martyrs, il gèlera encore 40 nuits au pire. Le jour des 40 martyrs, si le temps est mauvais, il faut se résoudre à le supporter pendant 6 semaines. Pas de célébration internationale et pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 9 mars. On passe donc à Chris qui nous parle du don du sang pour ce mois de mars. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107FM. C'est Chris et aujourd'hui je vous adresse le programme des Journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de mars 2020 dans notre département. Mais avant de vous communiquer les différentes dates, voyons ensemble la lettre du docteur Maryse Morel, responsable prélèvement à Nancy, à l'EFS Nancy-Loubeau. Alors tout d'abord, il est nécessaire de savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins, avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et pour répondre à cette exigence, voici les différentes dates de collecte de sang pour le mois de mars 2020 dans les Vosges. Le vendredi 13 mars, à Saint-Amy, à la salle polyvalente, située à l'adresse 3 place de la mairie, de 8h30 à midi et de 16h à 19h30. Le mardi 17 mars, à Saint-Nabor, au centre socio-culturel, situé à l'adresse 6 rue du Centre, de 16h à 19h30. Le mardi 24 mars 2020, à Pouxeux, à la salle Jeanne d'Arc, située à l'adresse 175 rue du Tambois, de 16h à 19h30. Le jeudi 26 mars 2020, à Ramonchamp, à la salle des fêtes, située à l'adresse 15 Grande Rue, de 16h à 19h30. Je le répète une dernière fois, mais il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, pourraient permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Et tout de suite, on passe à un message de la CPM. Ceci est un message de l'assurance maladie. Le cancer colorectal est le deuxième le plus meurtrier. Il concerne les hommes et les femmes. Dépisté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Vous avez 50 ans et plus, vous êtes concerné, ayez le bon réflexe, adoptez le dépistage tous les 2 ans. Facile à réaliser et gratuit, le test peut vous sauver la vie. Parlez-en avec votre médecin. L'assurance maladie. Allez, tout de suite, première pause musicale avec le chanteur Lot Price et le titre Personality. Oh, over and over, I tried to prove my love to you. Over and over, what more can I do? Over and over, my friend says I'm a fool. Personality, charm, personality, love, personality, over. Honey love, it's the truth. Over and over, they still says I'm a fool. But over, over and over, I'll be a fool for you. Cause you've got personality. Walk with personality. Talk with personality. Smile with personality. C'était le chanteur Lord Price sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 9 mars 1933, naissance de Lord Price, chanteur américain. 1964, naissance de Juliette Binoche, actrice française vue dans Les Amants du Pont-Neuf, Les Hauts de Hurlevent, dans les rôles de Cathy Linton et Catherine Henshaw. Le Hussard sur le Toit, dans le rôle de Pauline Deteuse. Le Patient Anglais, dans le rôle d'Anna, récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Et plus récemment, vue dans Ghost in the Shell, dans le rôle du docteur Ouellet. C'est également l'année de naissance de Valérie Lemercier, humoriste, actrice française, vue dans l'opération Cornet Beef, Les Visiteurs, dans le rôle de Frénégonde de Pouille, Béatrice de Montmirail, récompensée du César de la meilleure actrice dans un second rôle, La Cité de la Peur, Palais Royal, dans le rôle de la princesse Armelle, Fauteuil d'orchestre, dans le rôle de Catherine Versen, César de la meilleure actrice dans un second rôle, Agathe Cléry, dans le rôle d'Agathe Cléry, Neuilly sa mère et Neuilly sa mère, dans le rôle de Brigitte, Le Petit Nicolas et Les Vacances du Petit Nicolas, dans le rôle de la mère de Nicolas, Astérix Obélix au service de Sa Majesté et réalisatrice du film Palais Royal. 1968, naissance de Youri Djorkaeff, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1985 à 2006 en jouant à Grenoble, Strasbourg, Monaco, PSG, à l'Inter de Milan et au Kaiserslautern et au Bolton Wanderers et au Blackburn Rovers et enfin au Red Bulls de New York. Il a notamment remporté la Coupe du Monde 98, l'Euro 2020 et la Coupe des Confédérations 2001. 1970, naissance de Shannon Leto, musicien américain, batteur du groupe 30 Seconds to Mars. 1976, naissance de Vincent Desagna, acteur français, vu dans La Beuse, Les Onze Commandements, dans le rôle de Vince, Is No Good, Les Aristos, Fatal, Babysitting 1 et 2, dans le rôle d'Ernest, Adopte un veuf ou encore Alibi.com. 1977, naissance de Vincent Defrane, ancien biathlète français, champion olympique de poursuite aux Jeux de Turin en 2006. Il compte également 2 médailles de bronze olympiques à son palmarès, toutes deux obtenues en relais au JO de 2002 et 2006. Il est détenteur de 5 médailles mondiales, un individuel lors de la poursuite des championnats du monde 2007 et 4 avec les relais, dont 2 titres mondiaux. Il est également vainqueur d'un petit globe de cristal en Coupe du Monde. 1980, naissance de Matthew Gray Gobler, acteur américain connu pour son rôle du docteur Spencer Reed dans la série télé Esprit Criminel. 1986, naissance de Brittany Snow, actrice américaine, vue dans Babysitter, Pitch Perfect 2 et 3 dans le rôle de Chloé Bill et à la télévision dans la série Mes Plus Belles Années dans le rôle de Meg Prior. Et enfin, on termine en 1987 avec la naissance de Lil Bow, rappeur, acteur américain, vu dans Fast and Furious Tokyo Drift dans le rôle de Twinkie et dans la série télé Les Experts Cyber dans le rôle de Brody Nelson. Et on l'écoutera en fin d'émission, mais tout de suite, on va s'écouter le groupe 30 Seconds to Mars avec leur titre Closer to the Edge. Myself is better not said. Now I'm closer to the edge. It was 1,001 and 1,000,000 to 2. Time to go down flames and take it. birth of a song, the death of a dream. Closer to the edge. This never ending story, paid for with pride and faith. We all fall short of glory. Le groupe 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge, sur le 107 FM, presque 8h44, on parle météo. La météo. Alors aujourd'hui, ce sera des nuages, des averses de pluie et quelques petites éclaircies. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés ce matin, entre 7 et 9 degrés pour cet après-midi. Mardi et mercredi, ce seront des journées pluvieuses. Pour mardi, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 8 et 10 degrés prévus pour mardi après-midi. Mercredi, entre 7 et 8 degrés le matin, entre 12 et 14 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et ce matin, on va parler sport et également coronavirus. Hein. Vous l'avez remarqué, depuis l'épidémie, j'évite d'en parler. On en entend bien assez parler aux infos, que ce soit à la télé, à la radio ou même dans les journaux papier. Mais pas vraiment le choix, puisque l'actualité sportive et l'actualité du coronavirus se sont extrêmement liées en ce moment. Alors, on va faire un point complet sur toute l'actualité sportive qui s'est passée ce week-end. À noter que ce week-end, le ministre de la Santé a interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. Donc là, ça va être encore plus compliqué pour les différents matchs, hein, que ce soit du foot, du basket, du hockey sur glace et bien d'autres. Alors on commence avec le hockey sur glace. Le quart de finale de play-off de la D2 entre Épinal et Courchevel a pu avoir lieu samedi à la patinoire de Poissompré. Et c'était une bonne chose puisqu'Épinal s'est imposé 5-4, a donc remporté son quart de finale en deux manche. Épinal est qualifié pour les demi-finales qui débuteront dès ce samedi et ce sera face à Villard-de-Lans. Toujours hockey sur glace, mais cette fois on va parler des play-offs de la Ligue Magnus. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais on est au stade des quarts de finale, puisque un quart de finale n'a toujours pas été terminé. Il oppose Amiens à Mulhouse. Alors, vendredi, il a été annoncé dans un communiqué que Amiens avait été qualifié en demi-finale, puisque le match ne pouvant pas se jouer à Mulhouse à cause du coronavirus, ne pouvant pas se jouer non plus à Amiens, toujours à cause du coronavirus. Donc, la fédération a décidé de qualifier Amiens en demi-finale. Mais ce n'est pas terminé, puisque hier soir a eu lieu un communiqué en disant que le quart de finale allait reprendre et se jouer à l'Arena Ice de Cergy-Pontoise à huis clos. Donc Amiens, qui était qualifié pour les demi-finales, a décidé de finir ce quart de finale. Donc ce sera le match numéro 6. S'il devait y avoir un match numéro 7, il se jouera toujours à l'Arena Ice de Cergy-Pontoise. Alors ça décale forcément les demi-finales, puisque les demi-finales devaient commencer demain. Alors la demi-finale Rouen-Angers, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Elle commencera bel et bien demain. En revanche, la demi-finale qui devait opposer Grenoble à soit Amiens, du coup, soit Mulhouse, a été décalée. Et oui, c'est faut suivre, hein, ça, on va attraper un mal de crâne à force. Donc voilà pour le hockey sur glace. Du rugby maintenant, avec le tournoi des Six Nations, la France qui s'est inclinée en Écosse hier après-midi sur le score de 28 à 17. Pour l'instant, on verra si la France pourra jouer son prochain match. Pour l'instant, point d'information. En basket, en Pro B, Nancy s'est imposé face à Lille, 90 à 79. Un mot de cyclisme avec le Paris-Nice. La première étape hier a été remportée par un Allemand. À noter que Julien Alaphilippe s'est classé quatrième et que Paris-Nice s'est déjà terminé pour Warren Barguil. Malheureusement, il a chuté. Un mot de football maintenant avec du foot féminin, tournoi de France. La France s'est imposée 1-0 face au Brésil. Un mot de Ligue 1 avec le match Strasbourg-PSG qui a été reporté, toujours à cause du coronavirus. Marseille et Amiens fait match nul, 2-2. Angers s'est imposé 2-0 face à Nantes. Dijon s'est imposé 2-1 face à Toulouse. Metz s'est imposé 2-1 face à Nîmes. Nice s'est imposé 2-1 face à Monaco. Reims s'est imposé 1-0 face à Brest. Saint-Étienne et Bordeaux fait match nul, 1-0. Rennes s'est imposé 5-0 face à Montpellier et Lille s'est imposé 1-0 hier soir face à Lyon. Autant dire que pour cette journée de Ligue 1, valait mieux jouer à domicile. En Ligue 2, Nancy a fait match nul à Niort, 1-0. En National 2, Épinal a fait match nul à Haguenau, 0-0. En National 3, match nul également pour Thaon-les-Vosges à Vauban-Strasbourg, 0-0. Et Raon-l'Étape s'est incliné à Amnéville, 2-0. Un mot de biathlon avec l'étape de Novemiesto qui se jouait à huis clos, toujours à cause du coronavirus. Et le grand perdant de ce week-end, c'est Martin Fourcade. Je vous explique. Sur le sprint, messieurs, il y a eu la victoire de Johannes Beu. Deuxième place pour Quentin Fillon-Maillet, troisième place pour Tarier Beu et sixième place pour Martin Fourcade. Donc là déjà, il avait perdu des points face à Johannes Beu et Quentin Fillon-Maillet. Pour les autres Français, huitième place pour Simon Détieux, dixième place pour Émilien Jacquelin, quinzième place pour Antonin Guigona et 43e place pour Fabien Claude. Et on va passer au relais. Le relais féminin avec la victoire de la Norvège qui a réalisé un carton plein cette saison puisque les Norvégiennes ont remporté tous les relais. Autant dire que le petit globe, c'est pour elles. À noter la belle deuxième place de l'équipe de France et l'Allemagne complète le podium. Le relais messieurs a été remporté par la Norvège qui remporte le petit globe. La Norvège était à la lutte face à la France pour ce petit globe et malheureusement avec la contre-performance de l'équipe de France, c'est bien le petit globe tombe dans les poches de la Norvège. Pour compléter le podium, Ukraine 2e, Suède 3e et la France s'est classée 15e suite à une erreur d'Emilien Jacquelin. Bon, ça peut arriver. Mais donc voilà, contre-performance, la France s'est classée 15e. Mastart hier, Mastart féminine qui a vu la victoire de Ekoff devant Heuberg et Preuss, la 4e place de Justine Brezaz, 14e place pour Anaïs Bescon et 26e place pour Julia Simon. Et alors, la Mastart, messieurs, on n'a pas vraiment compris au début de la course ce qui se passait pour nos Français à la ramasse sur les skis. Et en fait, eh bien, c'est un problème tout simplement de fartage. Le mauvais fart a été mis sur les skis. Et donc, du coup, nos Français étaient à la ramasse. Ça s'explique hein, par les résultats, puisque le seul Français qui a réussi à se sortir de ce petit problème, c'est Emilien Jacquelin qui s'est classé deuxième, juste derrière Johannes Bö. Arne Pfeffer s'est classé troisième. Quentin Fillon-Maillet avec un 19 sur 20 se classe seulement huitième. Martin Fourcade avec un 17 sur 20 est quatorzième. Simon Détieux, 21e. Fabien Claude, 25e. Et alors Antonin Guigona avec un 20 sur 20 est seulement 26e. Et il a le dernier temps de ski. Il a même déclaré, hein, je ne sais plus si c'est en conférence de presse ou sur les réseaux sociaux, que la dernière fois qu'il avait fait un 20 sur 20 en Mastart, il avait terminé sur le podium. Et là, eh bien, il est 26e hein, sur 30 coureurs. Et donc, Martin Fourcade, avec sa 14e place, perd encore des points face à Johannes Bö. Et si, pour l'instant, Martin Fourcade est toujours en jaune, mais si on enlève les deux plus mauvaises courses, eh bien, au Français, il perd le dossard jaune de leader. Prochaine étape à Contiolahti. Et on termine avec du tennis. Le tournoi d'Indian Wells, qui devait se disputer cette semaine, eh bien, il a été tout simplement annulé. Toujours à cause du coronavirus. Quelques réactions hein, sur les réseaux sociaux qui sont tombées cette nuit, notamment Julien Beneteau qui a dit eh ben, devinez qui est arrivé à Indian Wells alors que le tournoi est annulé. Et Raphaël Nadal, lui, il a mis un message un petit peu plus long. Je vais vous le dire. Vous avez probablement entendu les nouvelles. Indian Wells annulé. Nous sommes ici. Et eh bien, en fait, ils attendent toujours hein, de la prochaine étape. Étape, hein, ce qui va suivre. Tellement triste pour tout ce qui se passe dans le monde avec cette situation. Espérons bientôt des solutions des autorités. Restez bien et en sécurité. Voilà pour l'actualité sportive qui devient donc de plus en plus compliquée à cause de ce coronavirus. Allez, tout de suite, dernière pause musicale. On va remonter dans les années 2000. Hein. Oui, Boho, ça doit être ça. Lil Boho avec son titre, son tube, même ça avait fait un petit carton quand même. That's My Name. Say it. Fella dough from the CEO representing so-so. The girls recognize and these do too. I'm the flyest thing walking through junior high school, so make room next to your little backstreet poster. Cause Bow Wow's here and it's over. You heard I'm this, I'm that, I'm all of the above. In a big body shot, riding on dubs. I've been seen with the baddest, heard with the best, and I got it locked down from the east to the west. Look in my eyes, y'all know I ain't playing. That's why all through the streets, all I hear saying is Bow Wow Wow, yippee yo, yippee yay. Where my dogs at? All with me now. Bow Wow Wow, yippee yo, yippee yay. And all my girls around the world that love how it's going down. Say Bow Wow Wow, yippee yo, yippee yay. Where my dogs at? All with me now. Bow Wow Wow, yippee yo, yippee yay. And all the girls around the world that love how it's going down. Now that the gate's wide open, it is I who they running from. Little with the ill crossover like Iverson and 2K. My way, I'm the first to rock, first to drop. Nice in the bezel of a G-Shock. Like Big and Pac, I'm hard to forget. What makes it even worse? I'm just getting started. Yeah, that's me, that's got your daughter in a frenzy. Yeah, that's me, that's gotta argue with her friends about who gon' get me when they see me saying do you see him? Ooh, he the man. 13 game block, don't trip. All that in a bag of chips. Hi, my name is Bow Wow Wow, yippee yo, yippee yay. Where my dogs at? All with me now. Bow Wow Wow, yippee yo, yippee yay. And all my girls around the world that love how it's going down. Say Bow Wow Wow, yippee yo, yippee yay. Where my dogs at? All with me now. Bow Wow Wow, yippee yo, yippee yay. And all the girls around the world that love how it's going down. Bow Wow Wow, yippee yo, yippee yay. Woof, mother woof, the dog came to play. Calgon, Calgon, take me away. I'm in the dirty, dirty with my nephew Jay. Dizzy, Izzy, boy, we getting busy with Lil Bow Wizzy. This off the hizzy. I threw him like a frisbee, and yeah, he came back like a boomerang. Dog pound gang, $100,000 chains. What you say, JD? Bling bling, money ain't a thing. You ask me again, and I'ma tell you the same. I'm flipping on these. While I'm trippin' on these trippin' mice. Buck one, buck two, buck three, buck four. You're standing on the wall, bust her. But you can't trust her. That's good game. Now all my represent your thing. Put it up, now click clack it up. And all the back it up, cause I wanna smack it up. We do it to your doggy style. Big bow wow in your mouth. Bow wow. Bow wow wow, yippee yo, yippee yay. Where my dogs at? Come on, put me now. Bow wow wow. Lil Bowo featuring avec Snoop Dogg hein, sur le titre Bowo, that's my name. Allez, il est, quelle heure est-il? Eh bien, il est presque 8h57, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de Clip Clap, on tourne avec Tanguy. 13h30, la rediffusion de la Christoire du Cash, 15, du Catch. 15h, Salut les 60 avec Gérard, consacré à Rocky Volcano. Et 20h, le calendrier de François. On se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.